Ok. Eh les amis, on va faire une petite mise au point là. Je suis très fâché, je suis en colère en ce moment. Parce que je vois qu'apparemment tout se passe bien dans le rap français, hein. Tout le monde fait des morceaux lourds. Oh écoute, mon son c'est du lourd. Alors que vos sons puent la merde. Bande de zouaves, bande d'enfoirés. Ok, eh hey. Copie propre, jamais de brouillon. Infâme star, équipe qui ne signera jamais de couillon. Eh hey. Comment ça je rappe comme un tel, hein? Ne compare pas mon rap de G.I. Joe à son rap de Barbie Mattel. Hey, check moi et acquiesce si ma musique te parle, yeah. Repose en paix man si ma musique te calme. Narcissique volume uno, la guerre est déclenchée. On vient braquer les ondes de Laurent Bruno. Oh, trêve de déconne, je mets les gaz puis je déconne. Oh. Je me répète, je sais, mais ça fait plus de 10 piches que je colle. Oh. Impeccable à chaque titre, on organisé. Rutaf les dorsaux, quand brutaf les morceaux. Zaïrois donc impeccable de la tête au yep. On rap pour l'Afrique, donc je mixe le pondou, tiep ou tien. Ça vient du 91, et c'est impeccable. Hey. Je vous laisse faire du swat sans lourd pendant que moi je fais de l'impeccable. C'est Black Brut et qui est monsieur intestable. Oh, c'est la panique à bord. Je ne veux rien faire comme vous autres, donc je ne fais pas de rap à corps. Oh, moi je fais du rap impeccable. Je vous laisse de lourd, moi je fais du rap impeccable. Du rap respectable. Je ne me donne pas en spectacle. Le scud arrive plus, plus resté calme. Putain, c'est grave, y'a plus de compète. Le rap actuel plus le chat de gouttière. À croire que le M6 nourrit aux croquettes. Veni, veni, veggie. Tous mes ennemis. Avec la rage d'un affranchi comme Joe Pesci. Y'a pas de trucage, c'est bien mes punchlines qui font les cascades, ouais. Le rap n'est pas encore mort, il est dans un état stable, ouais. Tant que je serai là, ça ira. J'ai mes beats, mes cœurs attitrés, ouais. Qui me balancent des gros billes de Kaira. Non, je fais pas du lourd moi, je fais de l'impec. Je fais pas du sale, je fais du propre. Je joue pas les kites sur les prods. Les influences c'est Monsieur Porsche, Alino pour les Frenchies. Outre-Atlantique, je me pute à des twins comme Pino, hey. Pendant que l'État expulse les Roms, moi j'extermine les rappeurs falches. Impeccable sur du Sid Roms. C'est impeccable sur du Sid Roms. Hey. Je vous laisse faire du swat sans lourd pendant que moi je fais de l'impeccable. C'est Black Brut et qui est monsieur intestable. Oh, c'est la panique à bord. Je ne veux rien faire comme vous autres, donc je ne fais pas de rap par corps. Oh, moi, je fais du rap impeccable. Je vous laisse de lourd, moi je fais du rap impeccable. Du rap respectable. Je ne me donne pas en spectacle. Le scud arrive plus, plus resté calme.